Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, François Besse, le passe-muraille. Entre 1971 et 1983, ce braqueur taciturne et jamais meurtrier s'est échappé 6 fois de prison, 6 évasions rocambolesques qui le feront entrer dans la mythologie du grand banditisme. Dans les années 70, il multiplie les coups d'éclat et rencontre en détention un truand connu de tous, Jacques Mesrine. En 1978, Jacques l'expansif et François le discret scellent leur association dans une cavale spectaculaire qui les propulse à la une des journaux. Peu après, les deux hommes se séparent. François Besse, l'insaisissable, reprend vite du service. Sa vie devient alors une longue fuite en avant et bientôt un surnom lui colle à la peau, le roi de l'évasion. Comment ce garçon chétif de Cognac est-il devenu un bandit recherché par toutes les polices d'Europe? Comment a-t-il organisé ses évasions? Enfin, comment, au prix d'une longue route, le braqueur est-il devenu un homme éclairé? Notre invité aujourd'hui, Mathieu Delahousse, journaliste, auteur notamment du livre intitulé « François Besse, la métamorphose d'un lieutenant de Mesrine », paru chez Flammarion. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Écoutons maintenant un document inédit, exclusif. Un document que personne n'a jamais entendu. C'est une première sur France Inter. C'est Jacques Mesrine, chantant, s'accompagnant à la guitare et chantant pas n'importe quoi. Écoutons. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer et c'est là que je finirai. Ma mère m'a vendu sa robe de mariée. Ouais, il y a des trous dans ton truc, il y a des trous dans ton fromage, mec. Hein? S'il y avait des trous pareils dans ton pénitencier, ouais. Le matin du 8 mai 1978, à la prison de la Santé, à Paris, quelques ouvriers s'affairent autour du bâtiment principal et posent de nouvelles grilles de protection. Dans une petite cour de l'aile B, le détenu François Besse fait les 100 pas. L'endroit est épouvantable, cauchemardesque. Les murs gris sont recouverts d'un toit grillagé qui découpe le ciel en petits carrés. Un peu avant 10h, un surveillant raccompagne le prisonnier à sa cellule. La numéro 9, un cube de béton sans fenêtre, de 3 mètres sur 2, meublé d'un lit en fer et d'un tabouret scellé au sol. Une tombe. Cela fait 6 mois que ce détenu a été transféré ici au QHS, quartier de haute sécurité, là où l'on parque les éléments les plus difficiles, les terroristes, les durs à cuire, les particulièrement surveillés, comme on les appelle, dans la pénitentiaire. Au moment de son passage à la Santé, François Besse s'est déjà évadé 3 fois. Il est donc surveillé comme le lait sur le feu. Surtout qu'il s'est fait un nouvel ami depuis quelques mois, un certain Jacques Mesrine. Oui, parfaitement. Les deux hommes s'entendent et se respectent. Et ils ont une idée fixe, déguerpir de cette atmosphère de mort. Dans une lettre à son avocat, François Besse décrit l'enfermement tel qu'il l'a vécu. L'isolement total détruit aussi bien qu'un coup de feu ou la chambre à gaz. Je dénonce aujourd'hui la torture que je subis. Quelle sera la prochaine étape, puisqu'il ne semble pas y avoir de limite? De quelle expérience suis-je le cobaye? Je peux très bien être soumis demain aux drogues et aux calmants. Je suis un condamné à temps, ce qui suppose que je serai libre un jour. Dans quel état? Je refuse du plus profond de moi-même de me plier devant cette nouvelle injustice. Et je lutterai. Pour François Besse, l'évasion est un devoir. Et Mesrine est l'associé idéal. Jacques, le grand, comme il aime se faire appeler, Mesrine, pour les autres. Mérine, pour lui. Ne supportez pas qu'on dise Mesrine. On ira Mesrine. C'est un bandit de grand chemin et un braqueur violent. Depuis près d'un an, il est sous les verrous où il purge une peine de 20 ans. Jacques le Grand et François le Petit, avec son mètre 60, ses 55 kilos, sa tignasse bouclée, sa moustache, un drôle d'attelage. Bess a une allure d'étudiant, surtout, surtout. Il peut se faufiler un peu partout, certains l'appellent déjà l'anguille. Ce 8 mai 1978, Mesrine demande à voir l'un de ses nombreux avocats, maître Christian Giuletti. À 10h, elle arrive et rencontre son client au parloir. Lors de l'audition, Mesrine insiste pour qu'on lui apporte un dossier qui se trouve cellule numéro 9, chez son ami François. Lorsque le surveillant arrive dans la cellule, Bess lui asperge le visage de gaz lacrymogène. Dans le parloir, Mesrine bondit sur la table et pousse une dalle du faux plafond. Quelques complices avaient livré, lors de leur passage, un véritable arsenal. Deux pistolets, un grappin, une cordelette et des lames de scie. Mesrine récupère la cargaison, Bess le rejoint. L'avocate, maître Giuletti, elle s'est blottie dans un coin de la pièce. Oh, elle tente bien de raisonner son client, mais il est déjà trop tard. Arme à la main, les deux bandits enferment les gardiens dans une geôle et s'emparent de deux uniformes de gardien. Alors qu'il sort du bâtiment, un détenu se manifeste depuis sa cellule. Il s'appelle Carman Reeves. Il veut filer, lui aussi. Bess et Mesrine le libèrent. Les trois hommes gagnent la cour principale. Une échelle est récupérée sur le chantier des grilles de protection avant d'être disposée sur le mur d'enceinte haut d'une quinzaine de mètres. Bess, puis Mesrine, affublés de leurs uniformes, grimpent l'échelle, puis descendent sur le trottoir le long de leurs cordes. Carman Reeves les suit, mais deux gardiens de la paix alertés surgissent dans la rue et lui tirent dessus. Le prisonnier s'écrase sur le trottoir, le corps criblé de balles. Les deux fuyards survivants arrêtent une voiture. Le conducteur braqué raconte l'événement au micro de TF1 le 8 mai 1978. Ils vous ont menacé? Ah bah ça c'est sûr, ils avaient chacun un pétard. Est-ce qu'ils avaient l'air déterminés selon vous? Ah si, à un moment oui, oui. À la dernière moment j'ai vu qu'ils étaient déterminés parce que j'ai dit, où c'est que tu te crois toi? Hein? Mais je savais pas que t'étais des gangsters. J'ai dit, où c'est que tu te crois toi? Où c'est que t'en es? Il dit, sors de là tout de suite. J'ai dit, mais t'es complètement chavraque toi non? Parce qu'il y a eu ceux qui étaient des gangsters, j'ai filé la porte dans la gueule puis je m'attirais quoi. Mais moi, je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Alors, je... Est-ce qu'ils quand avaient... ils se sont tirés avec ma belle, ça y est, je suis mort. Est-ce qu'ils avaient l'uniforme complet de... Oui, oui, oui, absolument. Ouais. Absolument. Ils avaient la casquette et puis ils avaient le... cette espèce de blouson, comme les matons. Il paraît que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on pourrait que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait? Mesrine. Mesrine, oui, c'est celui-là. Mais pas fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux. Dans leur rodovin volé, Bess et Mesrine s'évanouissent dans la capitale. La nouvelle provoque une secousse sans précédent. La presse évoque une bavure scandaleuse, tandis que le ministre de la Justice, Alain Perfitte, est sous le feu des questions des journalistes et des parlementaires. La spectaculaire évasion de deux complices les fait entrer dans la légende du banditisme. En 1978, Mesrine, d'ailleurs, est déjà une célébrité. Le grand public découvre donc François Bess. Longtemps, le petit François est resté dans l'ombre médiatique du grand Jacques, l'ennemi public numéro 1. Encore aujourd'hui, leur nom reste associé, mais bon, ennemi public numéro 2, c'est moins vendeur. Pourtant, la vie mouvementée du roi de l'évasion mérite tout autant d'être racontée que celle de Mesrine. Lorsqu'il naît le 24 juillet 1944 à Cognac, François est un nourrisson chétif, fragile. Sa mère, Marcel Bess, est une femme aimante qui gagne sa vie en faisant des ménages. Son père, Francisco Esposito, a fui l'Espagne de Franco et travaille comme manœuvre dans une usine. François idéalise le passé de ce révolté, mais il craint ses explosions de colère. À 15 ans, Bess devient apprenti électricien. Son premier larcin arrive à la même époque. Il pioche quelques billets dans la caisse de son voisin, marchand de charbon. L'argent est remboursé par la mère et la bêtise cachée au père. Deux ans plus tard, pendant l'été 61, Francisco finit par l'apprendre. Chez les braves gens, la colère peut être terrible. Le paternel attend son rejeton à la maison, un couteau de cuisine en main. L'adolescent s'enfuit alors chez sa demi-sœur, à Strasbourg. Il a 17 ans. Plus tard, François Besse parlera de cet événement comme de sa première évasion. L'homme a le sens de la métaphore. Dans la capitale alsacienne, le jeune François travaille à l'usine et fait son entrée dans la petite délinquance. En 62, il commet son premier cambriolage et connaît sa première incarcération. Il est relâché quelques semaines plus tard. À sa sortie, il devance l'appel militaire et part pour l'Algérie. Il reste 31 mois sous uniforme, puis revient à Cognac, où il trouve un emploi de chauffeur poids lourd. Quand son patron apprend son passé, il le met à la porte. François déménage à Bordeaux et s'installe dans un appartement. Un copain d'enfance, recherché par la police pour cambriolage, lui demande l'hébergement. François accepte. Les enquêteurs retrouvent la trace de l'ami délinquant qui le fait passer pour un complice. Besse est alors arrêté. Au commissariat, l'interrogatoire prend une tournure tragique. Selon ses dires, les policiers bordelais torturent le jeune François qui refuse d'admettre sa participation au cambriolage. Le 18 mars 1971, la cour d'assises condamne François Besse à 7 ans de réclusion pour vol et tentative de vol. Toute sa vie, il considérera que la peine était injuste. C'était un acte fondateur de sa délinquance, un acte destructeur de sa vie. Incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, Besse s'associe avec un détenu et 2 mois après le verdict, le 10 mai 1971, les deux passent à l'action. Avec un briquet, il chauffe le mastic d'une vitre blindée qu'ils font sauter avant d'étaler. Besse réalise alors sa première évasion et fait son entrée dans le grand banditisme. Plus tard, il se confiera sur cette période. À ce moment-là, j'ai décidé que je devais partir. J'avais le choix entre me plier et me révolter. J'ai sauté le mur. Et je me suis inscrit dans la marginalité définitive. À jamais de l'autre côté. Je savais que la voie était sans issue. Je pensais que l'histoire s'arrêterait rapidement, que la société y mettrait un terme. L'évasion était la seule solution. Je ne veux pas dire que la société m'en veut. J'ai réagi à une situation qui, à mon sens, était injuste et j'en assume les conséquences. Une fois que vous êtes dans la clandestinité, c'est fini. Vous n'existez plus. Ensuite, c'est cette façon de s'inscrire en négatif. Pour moi, chaque autorité était un ennemi. En cavale, Besse se procure de faux papiers et une planque à Bordeaux. Puis il s'associe avec 2 malfaiteurs locaux. Et le trio monte au braquage. Tous se font arrêter, sauf Besse, qui se cache dans un appartement. Le 7 février 1973, les policiers le retrouvent. Le hors-la-loi s'échappe dans la rue et court jusqu'à un terrain vague. Là, il trouve refuge dans un blocus allemand, enterré. Très vite, un cordon policier encercle le fugitif. Alors on jette une bombe lacrymogène dans la cavité, puis une détonation retentit. Besse s'est tiré une balle dans la poitrine. Il est conduit à l'hôpital, le poumon perforé. Après 2 mois de soins, il retrouve la maison d'arrêt de Gradignan. Derrière les barreaux, il multiplie les pompes et les tractions pour affûter ses muscles. Sur les conseils d'un aumônier et de son avocat, il découvre Virgile et Platon dont il dévore les œuvres. Mais plus que tout, c'est sa volonté de fuir qui semble désormais envahir tout son être. L'évasion est son horizon. Et concernant François Besse, ce n'est pas un fantasme de prisonnier, non. C'est une réalité imminente. Le 7 août 1974, il s'évade de nouveau de la prison de Gradignan. Cette fois, il a scié les barreaux. Et avec quelques draps noués, il a gagné l'extérieur, classique. 21 heures plus tard, il est repris au cours d'un cambriolage, classique. Et ses directions freinent, plus de ciel. Au sein du quartier d'isolement, Besse se lie d'amitié avec quelques figures du grand banditisme, comme Alain Benjeloul, un truand marseillais qui devient son nouveau compagnon d'échappée. Pendant l'automne 75, les deux complices font parvenir une lame. Un parloir, ça sert à ça. Alors, patiemment, ils scient les barreaux de leurs fenêtres. Après de nombreux jours de labeur, le 20 octobre 1975, ils arrivent enfin au bout de l'entreprise. À partir de cet instant, les versions divergent. Pour certains, une voiture les attendait, pour d'autres, ils ont commencé leur cavale en pyjama sur un Solex volé, ce qui ne manque pas d'allure. Une chose est sûre, Bess s'est à nouveau fait la belle. Pour la troisième fois, un expert. Le 21 février 1976, dans le centre de Paris, braque avec un complice un bureau de change. Le butin laisse songeur, 15 lingots, 1800 pièces d'or et des billets de banque. En quittant les lieux, Bess interpelle le directeur. « Maintenant, tu peux déclencher la gueulante », lui dit-il. Deux semaines plus tard, le 4 mars, les policiers de la brigade de répression du banditisme retrouvent la trace du fugitif à Maison-Alfort. Il est interpellé, sans opposer de résistance, et retourne à ses pénates, Fresnes. Cerise sur le gâteau, Bess a l'honneur d'inaugurer les quartiers de haute sécurité, les fameux QHS. C'est là que le petit François aperçoit pour la première fois un voisin plus grand et plus costaud. L'homme se présente. « Mesrine, c'est moi », lance-t-il, fidèle à sa modestie légendaire. Très vite, les deux s'associent. Au bout de quelques mois, ils sont transférés à la santé. Et là, ils échangent sur les failles du système et ils élaborent un plan. Et c'est ainsi que l'évasion des experts, le 8 mai 1978, fait la une des journaux comme ici sur Antenne 2. 9h30 ce matin, le détenu Jacques Mesrine est appelé au parloir de la prison de la Santé pour un entretien avec Maître Giletti, son avocate. Une conversation d'un quart d'heure plutôt calme. Soudain, Mesrine bondit sur une table, s'empare prestement de pistolets cachés dans une gaine d'aération et l'arme au poing force la porte du parloir devant ses gardiens médusés. Mesrine libère alors deux autres gangsters et avec le raid s'empare des uniformes de leurs gardiens de prison. Il ne reste plus aux trois hommes qu'à franchir le haut mur d'enceinte grâce à une échelle providentiellement là. Mesrine et Bess réussissent à sauter dans la rue, mais leur complice est abattu par un policier alors qu'il vient d'ouvrir le feu et qu'il se trouve encore au sommet du mur. Pendant ce temps, Mesrine et Bess contraignent un automobiliste à leur laisser le volant de sa R20 blanche et ils s'enfuient avec. Après leur évasion de la prison de la Santé, François Bess et Jacques Mesrine renforcent leur attelage. Ils passeront 7 mois ensemble. Les fuyards installent alors leur planque dans un petit studio du 18e arrondissement de Paris et reprennent aussitôt du service. Pas le genre à tirer au flanc. Le 16 mai 1978, à 10h15 du matin, une semaine après leur évasion, ils font leur course pour les semaines à venir. Visage découvert, ils braquent tranquillement une grande armurerie parisienne. Ils repartent avec un pistolet, 9 revolvers, des munitions et 20 000 francs. Pour les flics humiliés, l'arrestation de ces deux-là devient LA priorité. Bientôt, les visages des deux bandits tapissent les unes des journaux. Mais alors qu'on les cherche dans la capitale, c'est en Normandie qu'ils refont surface, à Deauville. Le 25 mai, les deux hommes prennent la route dans leur Renault 8 jusqu'à la station balnéaire et font un repérage au commissariat. Le lendemain, le duo se gare sur le front de mer, devant le casino. Joueur invétéré, Mesrine considère que voler un casino, c'est voler des voleurs. Dont acte. Autour de 23h, la conscience tranquille donc, Robin des Bois de la machine à sous, ils pénètrent arme à la main dans le bâtiment. Ils se font conduire dans la salle des coffres où ils raflent 137 000 francs. Mais l'une des liasses est piégée et déclenche l'alerte au commissariat. Alors que les complices quittent l'établissement, 4 policiers sortent de l'ombre. Les coups de feu claquent, on frôle le carnage. Des balles perdues blessent 2 femmes qui passaient par là. Bess est touchée au mollet. Les voyous se réfugient dans la R8 qui démarre en trombe. Dans toutes les rédactions, la nouvelle tombe, comme ici, sur France Inter. Hold-up hier soir à Deauville, le troisième en un mois sur la côte normande. Deux gangsters armés ont raflé 80 000 francs au casino. Une fusillade a éclaté avec la police. 2 personnes ont été blessées, dont une femme grièvement. Et ce soir, on s'interroge, n'est-ce pas le premier coup de Mesrine par hasard, depuis son évasion? Car en entrant au casino, l'un des gangsters aurait dit « Je suis Mesrine, donnez-moi la caisse », mais ce n'est peut-être aussi qu'un truc. À 2h du matin, sur une petite route départementale normande, les fuyards forcent un barrage de la gendarmerie. Les balles fusent dans l'habitacle. Mesrine est touché au dos. Un peu plus loin, les pas avaient abandonné et le binôme sautèrent dans un petit bois. L'alerte est donnée, des centaines de gendarmes sont mobilisés, comme le rappelle Jacques Collet sur TF1 le 29 mai. Deux hélicoptères, des tireurs d'élite, des chiens policiers, des centaines de gendarmes, aucun moyen n'aura été épargné pour tenter de neutraliser Jacques Mesrine, qui continue aujourd'hui son incroyable cavale. À l'origine de ce vaste déploiement, le témoignage d'un habitant de Bernay qui promenait son chien dimanche vers 6 heures du matin. Les petits bois qui touchent la ville au sud, un épais brouillard sur la région, furent les complices inespérés des fuyards. Pourtant, on ne devait rien laisser au hasard, bouclage et ratissage commencèrent aussitôt. Ils ont été vus par une unité de la compagnie. Et depuis, alors lorsque cette unité les a aperçus, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Lorsque les unités les a aperçus, ils ont plongé dans le bois en se débarrassant de leurs bagages et de leurs certains vêtements. Et malgré un pistage positif des chiens au départ, ensuite, nous avons pu retrouver leurs traces. Et nous n'avons eu aucun élément permettant de savoir si, au départ, ils étaient restés dans le bois ou s'ils avaient pu sortir. On ne retrouve pas les fugitifs. Non, évaporés dans le petit bois. Au petit matin du 27 mai 1978, les comparses, blessés, épuisés, investissent une maison. Un couple et leurs trois enfants sont pris en otage. Alors que Mesrine vitupère, Bess reste calme. Il faut quitter la région plus vite, pense-t-il. Sous la menace, les cinq membres de la famille prennent place dans leur DS, alors que les deux bandits se cachent dans le coffre. Ainsi, la voiture passe un barrage policier et quitte la région sans encombre. Famille, je vous aime. Finalement, Bess et Mesrine sont largués dans une petite commune des Yvelines d'où ils regagnent Paris. Exténués, sanguinolents, mais vivants. À peine un mois plus tard, le 30 juin, l'équipe repart à l'assaut. Cette fois, les deux malfaiteurs séquestrent un banquier de Noisy-le-Sec et sa famille qui ont eu la mauvaise idée de passer par là à ce moment-là. Bénéfice net, 350 000 francs. À la fin de l'année 78, le destin des deux hommes diverge. Alors que Mesrine semble possédé par des pulsions de vengeance personnelle et des envies irrépressibles d'expédition punitive, François Bess, lui, veut se faire oublier. Et puis, leurs modes de vie sont décalés. Jacques, le beau parleur, voyou avide de publicité, aime mener grand train. François, lui, est plutôt du genre ascète, solitaire et taciturne. Les deux compagnons se serrent la main, ils ne se reverront plus. Le 2 octobre, Bess est de nouveau rattrapé par son passé. Il est jugé pour le braquage de l'armurerie. Devant un box vide, la cour d'assises le condamne à mort par contumace après une audience expéditive. Pour le bandit, c'est maintenant la guillotine en cas d'arrestation. L'intéressé met le cap sur la Belgique. À Ixelles, il loue un grand appartement et mène une vie tranquille. Mais la police est toujours sur sa piste. Et le 11 mars 1979, il est arrêté. Inculpé de faux et usage de faux, séjour illégal, port d'armes prohibé, il comparaît le 26 juillet devant le tribunal de Bruxelles. Pendant l'audience, il se saisit d'une arme scotchée sous son banc et bondit sur le juge. Le canon posé sur la tempe du magistrat, il sort du palais de justice où une puissante moto l'attend. Il démarre et disparaît aussitôt. Pendant plusieurs mois, Bess reste hors d'atteinte des radars. Il est en fait en Italie et il réalise quelques coups en Espagne. Bon, la routine. Le 21 janvier 1982, Bess est interpellé par la garde civile espagnole dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de faux dollars. Incarcéré dans la prison madrilène de Carabanchel, il croise le regard d'une adolescente. Elle s'appelle Marie-Ange. Elle a 16 ans et de longs cheveux bruns. Le coup de foudre est immédiat. Bess prépare aussitôt sa lune de miel. Début 83, il commence à feindre violentes crises digestives. En parallèle, il se confectionne des clés de menottes avec un stylo et une boîte d'allumettes. Finalement, le 16 février 1983, un fourgon cellulaire le conduit à l'hôpital en compagnie de quelques prisonniers. Il profite d'un arrêt dans Madrid pour provoquer une bagarre générale avec les autres détenus, se défaire de ses menottes et s'extraire du fourgon. Place de Castille, il court et et disparaît de nouveau. Chapeau l'artiste, la seule chose qu'il n'a pas volée, c'est son titre de roi de l'évasion. Correspondance à l'époque de Philippe Chaffanjon sur France Inter. Toujours à la page des faits divers, il y a la sixième évasion de François Besse, l'ancien lieutenant de Jacques Mesrine. François Besse a été arrêté il y a quelque temps en Espagne et c'est là qu'il s'est évadé aujourd'hui au cours d'un transfert. C'est bien lui maintenant le nouveau roi de l'évasion. Il a déjà œuvré 4 fois en France et 1 fois en Belgique. Pour sa 6e évasion, cela s'est passé à Madrid. Sur ce gangster et sur sa carrière, nous revenons avec Philippe Chaffanjon. François Besse, c'est le roi de la belle. Il a réussi, vous l'avez dit ce matin, sa 6e évasion. Il était en prison en Espagne depuis le 19 janvier pour un trafic de faux dollars. La France et la Belgique avaient demandé son extradition aux Espagnols et la Belgique était sur le point d'obtenir satisfaction. C'est dans ces deux pays que ce petit homme, costaud, à l'air timide, a accompli la plus grande partie de sa carrière de truand et de spécialiste de l'évasion. Besse a choisi une fois de plus ce matin de fausser compagnie à la justice. Avec son palmarès, il est vrai qu'il n'a plus grand-chose à perdre. Et donc, après les polices françaises et belges, il y a maintenant la police espagnole sur les traces de François Besse. En Europe, il lui reste encore l'Italie, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour se réfugier. Le 16 février 1983, à Madrid, François Besse commence la plus longue cavale de sa vie, 11 ans. Après avoir retrouvé Marie-Ange, il vole une voiture. Les amants retournent en France. Le couple réuni apprend à se connaître dans cette atmosphère clandestine. Ensuite, c'est l'Italie, où il collabore un temps avec le célèbre gang des Postiches. Il participe même à l'évasion par hélicoptère de l'un de ses membres détenu dans une prison romaine. En 1986, un voyou parisien lâche un tuyau à la BRB. Besse a voulu doubler un complice et il s'est fait descendre. Dans le milieu des indices, la rumeur galope et les enquêteurs finissent par croire à la fable. Ainsi, peu à peu, petit François se fait oublier. Pendant ce temps, le couple Besse, bien vivant, partage son temps entre l'Italie et l'Espagne. Là, il devient expert dans l'art du camouflage et fait preuve quotidiennement d'une prudence de sioux, ce qui est harassant tout de même. Alors, Besse se met à rêver d'une vie tranquille, oui, d'une vie honnête, souvent synonyme. Plus tard, il déclarera « Pendant 25 ans, ma vie est clandestine. N'ayant plus d'identité, je suis obligé d'en avoir de fausses et de m'organiser. Alors je mets un peu partout des choses que je peux récupérer le cas échéant. Une cavale est terriblement difficile à mener seule. À deux, c'est encore pire. On multiplie les risques. À trois, ça devient totalement ingérable. En 1993, Marie-Ange tombe enceinte d'une petite fille. François voudrait qu'elle naisse à Cognac, là où sont ses racines. Et puis il veut revoir sa mère, Marcel, qui est en fin de vie. Le couple rentre donc en France, en terre charentaise, là où tout avait commencé. Début 94, François Besse et Marie-Ange rejoignent Cognac. L'homme s'associe avec deux voyous locaux et l'équipe commet quelques braquages. Les policiers qui enquêtent remontent une piste. Elle les mène jusqu'à une petite maison d'Angoulême. La police découvre des armes, des munitions et surtout des empreintes. Les empreintes d'un ressuscité, François Besse. Alors que tout le monde le disait mort, le voilà sur cette terre natale. Mais les taux s'en serrent. Le 29 avril de la même année, une jeune femme teinte en blonde se présente à la maternité de Carcassonne pour y accoucher. Une petite fille nommée Charlène voit le jour. François Besse passe la nuit sur le parking de l'hôpital, seul dans sa voiture. Le lendemain, les enquêteurs arrivent, mais la famille a déjà mis les voiles. Sa fuite sera pourtant de courte durée. Six mois plus tard, en effet, le 3 novembre 1994, dans un restaurant de Tanger, au Maroc, les 11 années de cavale de François Besse prennent fin. Arrêté, il n'oppose aucune résistance. Sur France 2, Michel Fine raconte. Pour les services de police français, c'est la fin d'un mythe. L'arrestation de François Besse à l'âge de 50 ans est aussi le fruit d'une longue traque, une collaboration des polices marocaines, espagnoles et françaises. Le petit François, comme on appelle dans le milieu cet homme aux multiples visages, a été arrêté hier à 16h30 dans un restaurant de Tanger en compagnie de trois hommes, deux Marocains et un Français. François Besse n'était pas armé, il n'a pas essayé de résister. Il a donné aux policiers l'adresse du domicile où il vivait depuis 15 jours avec sa compagne de cavale, Marie-Ange, et leur bébé de 6 mois. Beaucoup se disaient dans les années 90, Besse il est mort. Il est quand même quelqu'un qui avait réussi à être tellement le roi de la cavale qu'il avait presque réussi à s'évader de sa peau, ce qui était quand même extraordinaire. François Besse fait actuellement l'objet de 4 mandats d'arrêt pour vol à main armée, évasion et séquestration. En 1978, il a été condamné par contumace à la peine de mort. Aujourd'hui, il est interrogé par la police marocaine. La France va demander son extradition. Dès ses premiers interrogatoires, François Besse semble décidé à solder les comptes de son passé. Il déclare en avoir assez d'être sans identité. En 1996, il est extradé vers la France où il retrouve l'isolement. Sa fille, Charlène, est placée en famille d'accueil alors que Marie-Ange, elle aussi, est incarcérée. En prison, Besse est une curiosité, le vestige d'un banditisme révolu. L'homme refuse de glorifier ses actes. Il n'y a aucun courage à entrer dans une banque avec un pétard, car quand il y entre, tout le monde se couche, dit-il. Lucide, honnête. Peu à peu, ses conditions de détention s'assouplissent. Il reprend ses études et suit des cours de philosophie. Dans sa cellule, il lit L'Étranger de Camus, entre autres, et se passionne pour Spinoza. Ses rencontres intellectuelles lui donnent les clés d'une nouvelle forme d'évasion, une sagesse teintée de révolte, à l'image de ce texte paru dans le journal Sud-Ouest en 2000. En prison, on ne résiste pas à l'impression suffocante de ne plus exister. Un accablement insupportable pèse à chaque instant sur vos épaules. La puissance du fonctionnement des rouages administratifs est inhumaine. Personne ne semble détenir l'autorité, mais chacun applique son zèle, sa part d'ignoble. La cellule d'isolement pourrait être un lieu de réflexion, mais ce n'est qu'un lieu de mise à l'écart, organisé par une société qui ne veut rien voir ni rien entendre. Les idées qu'on y fabrique n'ont aucun lien avec la réalité. Le 4 juin 2002, le procès de François Besse s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Il y est jugé pour 4 braquages et 2 évasions commis entre 76 et 86. Il encourt la perpétuité. Sa stratégie est simple. Il reconnaît tout, sans faux fuyant, mais ne donne aucun nom de complice éventuel. Le président de la cour, Dominique Coujard, laisse un espace de parole à l'accusé. Oui, un vrai. Alors François Besse se raconte ses parents, son enfance, les larcins, la violence, la prison, les évasions, la marginalité. Lors des débats, deux réalités se télescopent. D'un côté, celle du braqueur aux cheveux longs des années 70, pistolet à la main, compagnon de route de Messrine. De l'autre, celle de l'étudiant en philosophie de 58 ans, qui explique, mais sans se justifier, montrant un recul sans complaisance sur son propre passé. Son avocat, Henri Leclerc, demande alors une peine dite de réconciliation. L'avocat général et les jurés constatent en effet le chemin parcouru et François Besse est condamné à 8 ans de réclusion. 4 ans plus tard, le 27 février 2006, il est libéré. L'homme de 61 ans goûte à la liberté pour la première fois depuis 35 ans. Mais que reste-t-il des folles aventures de François Besse ? Cet homme qui aura mis 60 ans à trouver sa place dans la société est un cas également, un de plus, qui pose la question toujours d'actualité du sort des prisonniers après la détention. Aujourd'hui, âgé de 74 ans, Besse vit l'existence d'un homme honnête. Il travaille pour une association qui aide à la réinsertion de jeunes délinquants. Libéré des passions tristes, il aurait atteint, comme il dit, la joie perpétuelle, s'il le dit. Où tu vas, tu repenses à ta vie. Déjà, tu comptes combien de gens tu as déjà trahi, combien de gens à qui tu as déjà menti, combien de gens tu as déjà fait souffrir. Au fond de ton remords, tu l'aimes encore. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de François Besse, notre invité Mathieu Delahousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, notamment pour l'Obs. Vous avez notamment écrit le livre François Besse, la métamorphose d'un lieutenant de Messrine, paru chez Flammarion en 2006. Et puis, je cite aussi un livre qui ne parle pas de Besse, mais qui est très intéressant. Vous avez publié tout récemment, cette année, La Chambre des Innocents, toujours chez Flammarion, livre qui porte sur les erreurs judiciaires et sur les indemnisations, ou non d'ailleurs, c'est souvent plutôt ou non. Alors, nous sommes tous les deux journalistes. Au diable les hypocrisies du genre un journaliste doit rester en distance totale par rapport à son sujet, c'est pas vrai. Nous n'en sommes pas moins des êtres humains. Et vous continuez, vous, à voir François Besse. Bon, votre attirance au départ était une attirance de journaliste pour l'histoire, et puis un lien humain s'est créé. Donc je vous demande, parce que je rappelle que si nous aussi dans le récit, nous avons fait preuve d'une certaine forme de compréhension, entre guillemets, je rappelle que cet homme... Un, a payé sa dette, et deux, n'a tué personne. Voilà. Que devient-il aujourd'hui? Quand vous le voyez, quel homme est-il? Et quelle est sa réflexion sur sa vie? Alors, effectivement, moi, comme journaliste, je me suis intéressé pour tout ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire tout ce parcours spectaculaire en noir et blanc, avec des épisodes qui sont exacts, inexacts, certains qu'ils sont restés dans l'ombre, mais c'est vrai qu'il y a eu non pas une fascination ou un goût du socio-nationalisme face à lui, mais la volonté de s'approcher, de comprendre son parcours. Et aujourd'hui, effectivement, on a continué à se voir pour répondre à cette question et peut-être pour l'évacuer un petit peu. Mais c'est vrai que j'allais vous dire que c'est un homme qui a toujours été libre et qui l'est de plus en plus. C'est un homme qui a payé sa dette. Il est sorti en 2006 de la prison. Il a eu une longue période ensuite de conditionnel qu'on oublie souvent quand ces longues peines sortent des murs. Il faut encore subir l'entourage de la justice, la pression de la justice. Bracelet électronique ? Aucun. Non. Mais peut-être la fragilité qu'impose la justice aux gens qui n'ont pas la force de caractère d'un François Besse. Et quand on s'appelle François Besse ou quand on s'appelle Monsieur X ou Y et qu'on sort de la centrale de Saint-Maur, il faut savoir résister pour ne pas repartir au braquage, pour ne pas repartir dans des compagnonnages hasardeux comme celui de Mesrine et avoir la force de ce caractère-là. Et ce qui est vrai, qui est très impressionnant avec François Besse, c'est le fait d'avoir eu une force de détachement extraordinaire qui fait que tous les épisodes extraordinaires de Deauville, d'évasion, d'Espagne, de Belgique, sont présents, mais ils sont tous à distance. Et notre rencontre, effectivement, qui est une rencontre professionnelle au départ, m'a conduit il y a quelques années à aller avec lui à la maison d'arrêt de la santé qui était en travaux. Elle était ouverte au public pour les journées du patrimoine. Et nous sommes allés ensemble un dimanche. Il faisait beau. Il avait le sourire aux lèvres. Il a regardé les murs qu'il avait quand même franchis par le haut quelques années auparavant. Et puis, nous avons cheminé dans cette maison d'arrêt. Et nous sommes allés jusqu'à la cellule qu'il occupait à l'époque et dont il s'est évadé avec un certain Jacques. Et j'avoue que j'ai eu du mal sur le coup, à comprendre comment on pouvait être aussi détaché d'un lieu qui était aussi important pour lui. Et je l'ai écrit à l'époque dans l'Obs, toute son histoire est là. Cet homme a pu revenir, non pas sur les lieux de ses crimes, parce que François Besse n'a pas de sang sur les mains, mais il a pu revenir sur les lieux les plus spectaculaires de son épopée criminelle, de son épopée qui fait rêver sans doute des tas de gens qui ont une fascination peut-être un peu déplacée pour lui. En même temps, pardon, c'est intéressant parce que on peut avoir une fascination, mais en même temps, lui-même dit à quel point cette vie est absurde, dure, épouvantable, c'est un cauchemar, cette mais vie. La vie de prisonnier et la vie de cavale aussi. N'oublions pas, la vie de cavale est très très dure. Bon, évidemment, personne n'oblige ces gens-là à faire ça, mais il le dit aussi, donc c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Oui, il explique très bien le choix de cette vie, qui est un choix qu'il n'a pas fait, de lui-même. Je pense qu'il aurait rêvé d'une autre vie, son enfance aurait rêvé d'une autre vie, et il n'est pas passé par la Chambre des Innocents, pour parler de l'allusion que vous faisiez tout à l'heure. À votre livre. Mais dans sa tête, je pense qu'il est passé par la Chambre des Innocents. Quand en 71, devant la cour d'assises de Gironde, il se retrouve face à des magistrats qui lui expliquent que ça serait bien qu'il se taise, qu'il ça serait bien qu'il n'explique pas qu'il a été torturé dans un commissariat de Bordeaux, qu'il n'explique pas... Alors qu'il a été torturé ou pas ? Il a été torturé. Moi, j'ai dit selon ses dires, de très mauvais traitements. Il l'a raconté lui-même en 2002 devant la cour d'assises de Paris. Il explique avec ses mots à l'époque, devant les jurés parisiens, qu'il a subi effectivement des humiliations, une tentative de noyade. Et en tout cas, à ce moment-là, on le considère automatiquement comme un délinquant, automatiquement comme un cambrioleur, aussi à cause de son statut social. Ça ne peut pas être autrement, se disent les juges bordelais à l'époque. On est en 71, on est en 71. Et il va partir comme si c'était son destin. Et à ce moment-là, effectivement, soit il faisait sa peine de prison, il sortait et il reprenait une vie de misère, soit, comme il le disait lui-même, il décidait de partir et Gradignan ne serait pas son mouroir. Donc tout part, si on veut bien comprendre, d'une décision de justice, qui est aussi une décision d'injustice, au regard des faits commis. Et c'est ça qui l'emmène vers cette vie cauchemardesque. Au regard de son innocence, qu'il le proclame, il le dit très clairement, François Besse, lors de son parcours judiciaire, n'a jamais été dans l'échappatoire. Il dit « J'ai accepté toutes mes condamnations, sauf celle-ci, sauf celle de Bordeaux. Je n'y étais pas, je ne mérite pas d'être condamné. » Sauf que c'est la pire, parce que c'est la première. Oui, et ça rejoint l'innocence qu'il faut peut-être indemniser. Ça intervient au moment de sa jeunesse. Ouais. Il allait construire sa jeunesse, il allait construire sa vie. Une femme portait un enfant de lui. Mmh. Et est-ce qu'on reste 7 ans quand est innocent ou est-ce qu'on fait ce choix de vie de partir? Il l'a fait, vrai qu'après il l'a fait plusieurs fois. Et un peu plus tard, donc en 77, il rencontre Jacques Mesrine. Alors, que voit-il en Mesrine, selon vous? Le meilleur atout pour s'évader, d'abord et avant tout? Ou une vraie amitié? Et puis qui commande entre les deux? Il se laisse guider par le matamor? C'est un matamor, Mesrine. Alors, c'est un matamor, et je pense qu'il y a un vecteur très utilitaire de la part de ces deux hommes-là qui veulent partir, qui savent que quand il faut partir, il faut avoir des complices efficaces. Et donc, ils s'allient pour ça. Après, tous les opposent. Si vous voulez, c'est très connu, son œuvre est très connue. C'est Jean-Claude Lattès qui l'avait publié à l'époque. Celle de Mesrine, c'est L'instinct de mort. Tout le monde connaît ça. Ouais. Ça a été tapé à la machine dans une cellule de la maison d'arrêt de la santé. Il y a l'instinct de mort d'un côté. Du côté de François Besse, il y a l'instinct de vie. Et je pense que tout les a opposés dans cette vocation. Jacques Mesrine, quand il sort de la santé, ils vont repartir faire cette série de braquages que vous avez raconté. Mais Jacques Mesrine va, par exemple, vouloir s'en prendre au président Petit. Le président Petit, c'était celui qui avait présidé la cour d'assises. Il y aura l'épisode Jacques Tillet, qui était un journaliste. Il y aura Le Lièvre, qui était un milliardaire. François Besse, il n'y a rien de tout ça. Il y a une forme de tranquillité. Alors, deux solutions quand on est bandit, mais ce sont des choix de vie, ce sont des choix fondamentaux. C'est fanfaronner ou se planquer. Il y en a un qui veut fanfaronner encore, ça le conduira en 79 à la porte de Clignancourt sous les balles de la BRB. Absolument. Et il y en a un qui veut être tranquille, il a mis du temps à la gagner, cette tranquillité. Entre les deux, et pour les deux, il y a eu la QHS, quartier de haute sécurité. On a du mal à imaginer l'enfer que ça peut être. Des cubes de béton, c'est des tombes. Oui, quand on est à la santé, ces quartiers-là existaient encore. À Fresnes, ils existent encore, mais ils existent encore aujourd'hui. Ils s'appellent plus comme ça, mais on a besoin de ces quartiers de haute sécurité DPS, à Fresnes, à Fleury-Mérogis, pour le terrorisme, pour le grand banditisme. Je pense pas que les gens dont on n'a pas, je ne veux pas prononcer son nom pour ne pas associer son nom à François Besse, mais celui qui a été repris récemment après une longue cavale, après une évasion en hélicoptère, je ne pense pas qu'il soit dans un quartier particulièrement tranquille. Et c'est un enfer difficile. C'est un enfer long et c'est un enfer que François Besse, à l'époque, dans les écrits que vous avez cités, qui sont des lettres soit à Libération, soit des lettres à son avocate, effectivement, veut mettre en avant pour les expliquer au monde, pour les expliquer aux hommes et pour expliquer ce qu'il subit. C'est-à-dire que cette détention-là, elle est d'une dureté absolue et elle ne cultive pas la réinsertion, elle ne cultive pas la philosophie, elle cultive la haine. Et lui, encore une fois, va parvenir à se sortir de cette haine par la liberté et le caractère qui sont les siens. Est-ce que l'évasion devient une espèce de ligne de vie et puis aussi de défi incroyable avec Mesrine? On a l'impression que ces deux-là se disent « il va rien nous arriver, il y a un culot incroyable ». C'est quoi les évasions? C'est parce qu'ils sont, sans mauvais jeu de mots, au pied du mur? Ou il y a, je ne veux pas employer le mot de plaisir, certainement pas, mais une certaine façon, un geste de l'évasion, une geste, quelque chose comme oui, ça. Oui, alors ils n'en font qu'une seule ensemble. En revanche, c'est vrai que la totalité des évasions qui vont suivre, elle s'inscrit dans la nécessité. Et ça, le procès de 2002, qui est un moment de justice absolument fabuleux. Il y a deux avocats qui sont là, qui sont Francis Triboulet et Henri Leclerc, qui sont là pour sauver la vie d'un homme, François Besse. Mmh. Et en fait, il y a toute cette histoire qui se déroule. Et cette histoire, c'est effectivement que on comprend que celui-ci, François Besse, quand il est arrêté, à chaque fois, et notamment quand il revient à Gradignan la deuxième fois, ou quand il revient à Fresnes la deuxième fois, l'administration pénitentiaire se dit « il ne repartira pas ». Celui-ci, hors de question, il nous a mis au défi une fois, hors de question que ça se reproduise, et lui, il sait qu'il ne restera pas. Ce n'est pas sa maison, sa cellule. Vous savez, quand on fait ce métier de chroniqueur judiciaire, on sait que il y a des détenus qui s'installent véritablement et qui ont un petit chez soi dans leur maison centrale, notamment avec la télévision, les cadres, etc. Lui, non, c'est pas chez lui. Il sait qu'il va partir. Alors ça met un an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à l'évasion finalement finale, qui est cette évasion par la grande porte. Les portes du pénitencier sont refermées, mais derrière lui. Mmh. Et c'est le fait que la liberté fait partie de lui. Sauf que la liberté, elle se paye au prix de ce qu'on appelle la cavale. Et la cavale, c'est... Alors, on est toujours dans... On ne peut qu'imaginer, évidemment, nous. Le stress absolu et constant, c'est destructeur pour un être humain. C'est destructeur, même si... Il arrive à s'en sortir parfois lors de l'enquête pour le livre. Moi, j'avais rencontré les policiers qui l'avaient poursuivi. Guy Zapata, notamment, qui était à la police judiciaire de Bordeaux, racontait à quel point ils avaient cru à sa mort, par exemple. Oui. À un instant, il fait courir la rumeur de sa mort, qui est l'évasion finalement la plus réussie. Et tout le monde y croit. Et quand on retrouve ces empreintes digitales, effectivement, on les retrouve dans une maison qui est occupée avec une femme, avec un enfant. Et la cavale, on dit souvent que c'est la pire des peines, parce que finalement, c'est le plus difficile. Mais la cavale à trois, c'est impossible. Et c'est emmener avec soi des gens qui n'ont rien demandé, qui sont encore plus innocents que soi, et qui vont devoir subir toutes ces avanies. Donc finalement, il le dit d'ailleurs, hein, il le dit dans le procès. Il le dit, il le dit à ses proches. Il dit à ses proches à un moment, détachez-vous de moi, je ne veux pas que vous subissiez par mon sort ce que je dois subir moi. Et puis finalement, tout ça va se reconstruire, mais avec difficulté, avec une endurance exceptionnelle et assez stupéfiante. Ouais. Sinon, François Besse, c'est pendant sa période de délinquant, parce que c'est quand même de la délinquance, hein, il est hors la loi, ça en revanche, on peut pas le contester. Mais il a des nombreux complices, hein, pour s'évader, quoi. C'est une star dans le milieu du banditisme? Non, je pense qu'il a jamais voulu être une star dans le milieu du banditisme. Mais qu'en revanche, les complices se construisent. Le mystère et le silence restera toujours sur ces complices qui l'ont fait sortir. C'est sans doute très bien comme ça, et c'est mieux pour la sécurité de tout le monde. Au procès, jamais cet aspect-là n'a été dit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspiration, elle rayonne quand on a cette personnalité. Quand on a ce caractère, quand on sait montrer ce qu'on a à l'intérieur de soi, l'envie de s'évader est un sentiment qu'on fait lire aux autres aussi. Certains policiers n'ont pas de l'admiration pour certains clients, si j'ose dire, mais certains délinquants, on entend parfois des grands policiers dire « Ouais, celui-là quand même, il avait du culot, du courage ». Presque une forme de respect, ouais. Est-ce que François Besse dégageait ça aussi auprès de la gente policière, une espèce de... respect comme ça? Ouais, il dégage ça d'une façon que je trouve moi personnellement gênante. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est facile pour la police, il est facile pour l'administration pénitentiaire ou pour certains magistrats de mettre en avant qu'il existe un François Besse, qui est une certaine façon de dire, vous savez, c'est finalement assez facile de se sortir de conditions de détention inhumaines et terribles. Il est finalement assez facile de se sortir d'une erreur judiciaire qui peut-être est le fondement de tout ce parcours criminel, et de se dire que bon, finalement, c'est une marge d'erreur et que vous voyez bien qu'avec un peu de force de caractère, on peut s'en sortir. Je trouve que c'est assez malhonnête de le présenter comme un faire-valoir et que son parcours, il l'a fait tout seul. Il a construit sa liberté et il s'est opposé fondamentalement à la prison, là où d'autres, effectivement, cherchent de petits aménagements avec l'ordinaire et de petites revendications carcérales, comme ça arrivait dans les années 70 et comme ça arrive aujourd'hui. Lui, il a toujours voulu s'inscrire en faux et être, non pas dedans, mais dehors. Et c'est vrai que la façon dont on peut aujourd'hui le présenter comme un piédestal et comme une espèce de prisonnier, modèle, produit star de l'administration pénitentiaire, et il le dira peut-être lui-même un jour, mais le pire service qu'on puisse lui rendre, et en tout cas, ça serait à mon avis beaucoup trahir sa pensée. Bien. Un jour il le dira, peut-être. Est-il en train d'écrire un livre, après tout? Il pourrait écrire, parce que sa vie est quand même pas banale, quoi. Pas forcément un modèle, mais c'est pas banal. Il finira par raconter lui-même sa vie. Ouais. Ça sera l'instinct de vie qui pourra porter. Et par ailleurs, tous les épisodes qu'on a racontés aujourd'hui, les épisodes criminels un peu en noir et blanc avec ses actualités des années 70, seront marqués d'autres personnages. C'est Bruno, son professeur de philosophie, ou alors Baruch, Spinoza. Eh oui. Merci infiniment. Merci. Delaus. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. François Besse, le passe-muraille, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Bien sûr, enfin si ça vous dit